Partant du film Chronique d'un été, réalisé en 1960 par Jean Rouch et Edgar Morin, la question du bonheur s'est posée au Mucem en une série de rencontres avec de grands utopistes contemporains. Edgar Morin, philosophe et sociologue, Patrick Bouchain, architecte et scénographe, Gilles Clément, paysagiste et jardinier, Pierre Gianetti, chef cuisinier, Roland Gory, psychanalyste, et Pierre Rabhi, philosophe et paysan, fondateur d'une autre agriculture. Les entretiens ont été menés par des étudiants de Sciences Po Aix, accompagnés par Agnès Fréchel, rédactrice en chef du magazine Zibeline. Roland Gory à la recherche du bonheur perdu, c'était le jeudi 29 janvier 2015. Roland Gory est en conversation avec Victor Rongier, Lucie Guillemot, Marine Purson et Manon Guérin. Bonsoir Roland Gory. Bonsoir. Vous êtes un psychanalyste à Marseille, vous êtes aussi professeur de psychopathologie à l'université d'Aix-Marseille et vous êtes auteur. Votre premier livre, le Dictionnaire pratique de psychopathologie, écrit avec Yves Poinceau et publié en 1972. Vous avez depuis été auteur de nombreux autres ouvrages de psychanalyse, La logique des passions, L'empire des coachs ou encore La fabrique des imposteurs, pour en citer quelques-uns. Vous avez également été avec votre confrère Stéphane Chédry à l'origine de l'appel des appels, un mouvement d'opposition à des réformes des domaines de la santé, de l'éducation, de la justice, qui serait effectué dans une logique marchande, dans une logique oligarchique selon vous. Un mouvement, l'appel des appels, qui vise, je cite, à remettre l'humain d'abord. Votre œuvre touche divers sujets. La parole, la liberté, la mémoire, aussi évidemment le bonheur. On pourrait caractériser votre discours par une critique de la modernité, d'une certaine modernité qui serait celle d'une société aliénée par le capitalisme, par une logique marchande qui ferait de l'humain une simple statistique, qui forcerait la normalisation, l'évaluation constante de chacun par une logique de performance. Votre thèse est que les individus auraient le sentiment d'être heureux quand ils se conformeraient à une norme sociale. Vous appelez donc à une libération de ces normes pour réellement... permettre la libération de l'individu et remettre l'humain, le bonheur humain, en son centre. Alors, avant de vous poser nos questions, nous allons visionner un extrait de Chronique d'un été, un film de 1960 réalisé par Edgar Morin, un film qui a inspiré ce cycle de rencontres. Je pensais à ceci. Est-ce que vous êtes heureux ? Presque. Et toi ? Presque. Alors, qu'est-ce qui manque ? Oh, j'ai honte de le dire. De l'argent. Et toi ? De faire ce que je voudrais faire. C'est-à-dire ? Me livrer à ce qui m'intéresse. Eh bien, mais ça revient au même, parce que si on avait de l'argent, il pourrait se livrer à ce dont il a envie. Enfin... Bon, alors même à vos heureux, en quoi ? Mais... Ben, j'estime que malgré tout, je suis assez gâtée pour la vie, parce que j'aime mon mari, j'aime mon fils. J'ai une situation, une petite situation, mais qui me plaît. Pour moi, le travail, c'est du temps perdu. D'accord, mais tu as milité, on militait au même parti, c'est-à-dire on aspirait à une autre vie. Oui, bien sûr. Alors on met une croix là-dessus. Là, les idéaux ne sont pas toujours réalisables et même pas souvent réalisables. Alors évidemment, on accepte ou on n'accepte pas la vie qui nous est faite. Il faut s'adapter. Voilà, donc nous reviendrons sur cet extrait vidéo un peu plus tard, nous vous posons quelques questions à ce sujet. Mais d'abord, je voudrais vous poser quelques questions sur la psychanalyse et sur le métier de psychanalyste, surtout. Ensuite, nous reviendrons sur votre œuvre et sur l'inscription de la psychanalyse dans la société, avant de vous interroger sur quelques faits d'actualité qui nous ont marqués. Donc tout d'abord, Roland Gory, vous êtes avant tout psychanalyste. Quel lien faites-vous entre votre métier et le bonheur ? Autrement dit, quel rôle peut jouer la psychanalyse dans le bonheur individuel et collectif ? En tant que philosophie, la psychanalyse, peut-elle mener au bonheur selon vous ? Bien, bonsoir. Merci d'avoir travaillé et donc de m'accueillir. Je suis pas sûr que la psychanalyse soit un métier. Donc oui, je suis déjà un petit peu provocateur. Je suis pas sûr du tout. Je pense que c'est de temps en temps une fonction qui nous traverse et qui peut-être accompagne les gens pour leur permettre de lever les obstacles intérieurs, les nécessités intérieures qui les empêcheraient, je dirais, de désirer. Alors peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, la question du bonheur et du désir, c'est pas forcément la même chose. Je crois que ce qui est important au niveau de la psychanalyse, c'est de considérer que nous n'avons pas à donner un mode d'emploi de l'existence. D'ailleurs, je pense que d'une manière générale, nous n'avons pas à donner de mode d'emploi de l'existence. Et c'est un peu ce que je reproche, Victor l'a rappelé tout à l'heure, ce que je reproche justement à la normalisation dans laquelle la civilisation très normalisante dans laquelle nous sommes, puisqu'on nous prescrit la façon dont on doit se conduire. Je dirais que la psychanalyse, c'est peut-être justement quelque chose où on suspend, si vous voulez, on suspend au moins un temps tout ce qui est contrainte de normative, que ce soit les contraintes sociales, et puis alors on rencontre quoi ? On rencontre les inhibitions intérieures, on rencontre les normes qu'on s'est imposées à soi-même. On se les a imposées parce que, bien sûr, on a absorbé les normes prescrites autour de nous, et puis aussi parce qu'on a une histoire et que dans cette histoire se sont sédimentés un certain nombre de tabous et d'interdits. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si vous voulez que je sois plus long, je vais être plus long, mais ce n'est pas forcément nécessaire parce que ça risque de rendre malheureux, je dirais, l'assistance et vous. Non, mais on peut développer. Donc vous parlez d'une normalisation. Dans vos ouvrages, mais aussi dans le manifeste de l'appel des appels, oui. Donc d'une normalisation, d'une standardisation des soins psychiatriques et d'une perte de l'humain dans le traitement des pathologies. Et vous dites notamment, je vous cite, « On assiste de plus en plus à un gommage anthropologique de la souffrance psychique, des conflits qui la motivent et des significations qui pourraient être les siennes. » Donc mes questions à ce sujet sont les suivantes. Est-ce que la psychanalyse participe de ce conditionnement, dans une certaine mesure ? Comment, en tant que psychanalyste, vous luttez-vous contre cette standardisation dans votre pratique, justement, quotidienne ? Et plus précisément, pouvez-vous nous expliquer comment vous vous différenciez des autres praticiens ? Alors, je pense que, je dirais pas, parce que malheureusement, la standardisation, la normalisation, ne se localise pas uniquement en psychopathologie et pas uniquement dans la prise en charge de la souffrance psychique. Je pense que partout, dans le domaine de la culture, par exemple, dans le domaine du journalisme, dans le domaine du soin médical, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'université, il y a de plus en plus des standards, si vous voulez, qui nous confisquent notre capacité de penser, de parler, de faire notre boulot d'artisan. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une position de prolétarisation généralisée de l'existence. Juste un mot peut-être un peu long cette fois, Fabienne ne m'en voudrait pas, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qu'un prolétaire, dit Marx ? Prolétaire, ce n'est pas simplement l'ouvrier eu égard aux conditions matérielles misérables de son existence. Le prolétaire, c'est celui auquel finalement l'industrie, la machine, a confisqué son savoir-être, son savoir-faire. Bon, j'ajoute juste un peu après Marx, si vous le permettez, n'est-ce pas, que le paysan est prolétarisé à partir du moment où son savoir-faire, son savoir-être, son savoir de paysan se trouve confisqué par les exigences de la production agricole. C'est-à-dire qu'il est aliéné. On est en plein par rapport à la question de l'adaptation et en plein par rapport à la question de l'aliénation. Aujourd'hui, on peut dire que le médecin, l'infirmier, le psy, l'orthophoniste, mais aussi le juge, le magistrat, l'acteur culturel, si vous voulez, le journaliste, sont prolétarisés dans la mesure où leur savoir-être, leur savoir-faire, leur savoir d'artisan, il y a art, je crois que c'est un point très important, se trouve confisqué par les exigences de machines immatérielles, mais bien réelles, que sont les protocoles de standardisation, que sont les objectifs chiffrés à atteindre, tout ce qui est du côté des indicatifs quantitatifs de performance. Si bien que finalement, alors si on parle d'adaptation, je crois que c'est très important par rapport au film de Jean Rouch et de Morin, il va de soi que l'adaptation, si vous voulez, c'est presque un langage de machine. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui ? Soyez efficace et que ça coûte moins cher. C'est-à-dire, soyez parfaitement adapté. Et moi, je crois qu'on ne peut pas être heureux si on est adapté. Je pense qu'on peut survivre, si vous voulez, mais je ne pense pas qu'on puisse ressentir quelque chose de l'ordre du bonheur. Ça va ? Vous en voulez plus ? Non, plus précisément, en fait, on aurait aimé savoir comment vous... Ah, par rapport à la psychanalyse. En tant que psychanalyste, oui. Voilà, vous... Mais alors moi, j'ai beaucoup de mal à... Beaucoup de mal, parce que je pense que, si vous voulez, la psychanalyse, c'est quelque chose dont on n'est pas propriétaire. C'est-à-dire que, je dirais presque de manière un peu mystique, c'est un état de grâce où, parfois, vous vous révélez psychanalyste sans l'avoir voulu. Et si vous voulez être psychanalyste, alors vous êtes mauvais. Vous êtes vraiment mauvais. Vous êtes standardisé, normalisé, professionnalisé, vous êtes mauvais. Vous ne pouvez plus fonctionner, vous ne pouvez plus travailler. Je crois que c'est un point qui est très important, sur lequel on reviendra tout à l'heure. parce que je vais vous compliquer la tâche. Vous compliquez la tâche dans la mesure où, si vous voulez, la question pour la psychanalyse, ce n'est pas celle du bonheur, c'est celle du désir. C'est, comme disait Lacan, la liberté de désirer en vain. Alors, vous voyez, c'est important, ça, la liberté de désirer en vain. Et surtout qu'on ne vienne pas m'enquiquiner avec des normes, non pas pour m'empêcher d'atteindre ce que je veux, ça, ce n'est pas trop gênant, je peux finalement le subvertir, mais m'empêcher de désirer. Et on le voit bien, d'ailleurs, dans le film également, tous parlent de ce qui manque. Alors d'abord, l'argent. Alors c'est intéressant, il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Aragon qui dit qu'on est toujours prisonnier de l'argent, de celui qu'on a comme de celui qui manque. Et je crois que c'est très important par rapport à ce qui a été dit. Alors, si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'on puisse justement continuer finalement à désirer. Vous voyez, si finalement vous me poussez à essayer de dire, bon, c'est quoi la psychanalyse, ben, c'est peut-être de ce côté-là, c'est essayer d'enlever tous les obstacles extérieurs et intérieurs qui vous empêchent d'éprouver ce qui vous manque, parce que finalement, ce qui vous manque, c'est ce qui vous permet de vous sentir vivant. Prenez Nos Atipasa de Camus, il descend dans la nature, il a un état, je dirais, merveilleux de bonheur, et c'est bien par rapport à ce qui intérieurement manque et qui vient coïncider avec quelque chose qui est la nature. Ça va ? Oui, très bien, merci. Justement, moi, je voulais revenir sur cette question de normalisation et de standardisation, parce que dans votre ouvrage « La dignité de penser », vous parlez beaucoup d'une société dominée par le progrès technique et la consommation. Donc ce seraient les machines qui penseraient à notre place et qui nous empêcheraient d'atteindre les savoirs et les savoir-faire que nous avons pourtant initiés. Et donc cela n'est pas sans rappeler, à mon goût, à mon avis, les pensées de Max Weber, qui disait que l'homme civilisé ne maîtrisait plus son environnement et était donc dépassé au profit des machines et du progrès technique. Donc finalement, est-ce que l'homme ne se complaît pas en fait dans cette espèce de servitude volontaire ? Vous citez vous-même la Boétie. Est-ce qu'on pourrait atteindre le bonheur en retrouvant la maîtrise de notre environnement ou en retrouvant le désir ? Vous parliez du désir, le désir de savoir, du savoir, ou finalement, est-ce qu'on n'est pas plus heureux dans cette forme d'ignorance ? Alors, il y a énormément de choses dans vos questions. Si vous voulez, là, c'est vrai, et vous avez raison de citer Max Weber, si je peux me permettre, ils ont énormément bossé, il est évident que ce que montre bien Max Weber, c'est que finalement, en Occident, je crois que c'est un point important, en Occident, il y a une prescription à rationaliser sa conduite, c'est-à-dire finalement à placer la raison, une raison très rationalisante pour se conduire. Et pourquoi ? Ce n'est pas par amour de la science, ce n'est pas par amour de la raison critique, ce n'est pas le discours des Lumières, comme on dit les philosophes des Lumières, c'est tout simplement parce que le rationalisme économique, dit Max Weber, c'est-à-dire le capitalisme, pour l'appeler très simplement, a besoin que les gens rationalisent leur conduite dans la vie privée, comme finalement ils sont dans une activité fragmentée, rationalisée sur les machines. Donc si vous voulez, c'est presque l'utilité sociale d'avoir une conduite par la raison qui est prescrite aux individus. Ça va ? Je ne suis pas trop, confus. Bon. Alors, si vous voulez, je crois que là, aujourd'hui, on a atteint une étape supplémentaire. On a atteint une étape supplémentaire. Il y a un très beau texte de Pierre Bourdieu de 1995 qui s'intitule, n'est-ce pas, « Les abus de pouvoir qui s'autorisent ou se légitiment de la raison ». Et ce que montre, et je crois que c'est très actuel, ce que montre Bourdieu, et je pense que c'est difficile de ne pas en parler aujourd'hui, ce que montre Bourdieu, c'est qu'il y a véritablement une violence inerte des institutions, comme le Fonds monétaire international, comme l'Organisation mondiale du commerce, etc., il y a ce qu'il appelle une violence inerte des institutions qui fait peser sur les individus et les populations, si vous voulez, un habitus, comme il dit, c'est-à-dire un schème de pensée, un schème d'action, à se conduire d'une certaine façon, pas du tout pour qu'il soit heureux, pas du tout pour qu'il soit juste, pas du tout pour qu'il soit vrai, pas du tout pour qu'il soit ensemble, mais tout simplement pour qu'ils apprennent à raisonner d'une certaine manière qui est socialement utilisable pour l'économie capitaliste. Et ce que dit Bourdieu dans ce texte de 95, qui quand même 20 ans plus tard nous touche après ce qui s'est passé, ce qu'il dit, c'est que cette violence inerte des institutions, ce rationalisme économique, qui est encore une fois prescrit comme manière de penser, conduit à quoi ? Ben, il dit conduit à une violence terroriste, conduit à une violence aveugle, qui n'est pas du tout légitime, bien évidemment, qui est absolument épouvantable, abominable, monstrueuse, nous l'avons vu, mais, n'est-ce pas, il y a une espèce de couple, il y a une espèce d'attelage entre la violence de penser le monde simplement en termes de raison et de progrès technique, mais on reviendra un peu sur la question du progrès, n'est-ce pas, et puis, finalement, cette violence, on dira obscurantiste, si on veut. Bon, allez, vous avez cité Max Weber, soyons très simples. Max Weber, il dit il y a différentes formes de rationalité. En Occident, il n'y en a qu'une qui compte comme rationalité, c'est la rationalité pratique, c'est la pensée des affaires, le calcul. Ce n'est pas par amour des mathématiques, hein, c'est simplement parce que ça permet de faire des affaires. Bon. Il y a d'autres formes de rationalité. Le mythe, par exemple, est une forme de rationalité. Mais il y a aussi l'éthique, ce qu'il appelle la rationalité substantielle. C'est l'éthique ou la religion, n'est-ce pas ? Eh bien, on voit bien comment, aujourd'hui, avec le monopole d'une forme de rationalité, le monopole d'une forme de raison, c'est-à-dire la raison des affaires et du droit, ce que j'appelle, moi, la rationalité pratico-formelle. C'est un peu compliqué, mais c'est finalement la pensée des affaires et la pensée du droit. Ce sont les seules formes de raison acceptables, notamment dans ces normalisations épouvantables que vous avez évoquées tout à l'heure, n'est-ce pas ? C'est les évaluations pour aller très vite. Eh bien, ce que vous voyez, c'est se développer par ailleurs des formes de violence qui se réclament d'autres types de raisons écrasées par notre rationalité pratico-formelle. Alors, j'ai dû lâcher plein de questions, mais vous en avez posé beaucoup. Sur la technique ou le progrès, moi, j'ai rien contre. Hein. Simplement, c'est comme le bonheur, pour aller très vite. Tout à fait merveilleux, le bonheur, la raison, le progrès sont des valeurs extraordinaires. Simplement, aujourd'hui, on s'en sert comme rhétorique pour amener, n'est-ce pas, vous l'avez dit, à une servitude volontaire des individus, pour amener une soumission sociale librement consentie. C'est ça le problème. On vous promet le bonheur. Alors avant, on vous promettait le bonheur parce qu'on vous disait demain, ça sera nettement mieux, vos enfants seront beaucoup plus heureux. Aujourd'hui, on ne croit plus à l'ascenseur social, on ne croit plus à l'émancipation. Alors que se passe-t-il ? On ne va plus vous promettre la croissance. C'est comme l'arlésienne, on l'attend toujours, n'est-ce pas ? Eh bien, du coup, qu'est-ce qu'on vous promet ? On va vous promettre non pas les richesses, mais on va vous promettre de vous protéger des plus malheureux, des plus pauvres d'entre vous. C'est-à-dire que là, le bonheur a pris le masque de la sécurité. La sécurité, aujourd'hui, c'est la portion la plus congrue, la plus misérable, si j'ose dire, du bonheur. D'accord. Et donc pour revenir sur cette... Et donc, vous parlez donc de cette société un peu de contrôle, de surveillance, un peu comme vous citez Michel Foucault, d'ailleurs, tout à fait... Dans vos ouvrages, et donc voilà, de ce culte, voilà, de l'évaluation constante de l'individu au sein de la société. Donc il y aurait donc une espèce de violence, vous l'avez dit vous-même, indirecte sur les individus. Mais alors comment vous proposez de sortir l'homme et l'individu de ce cadre normatif ? Alors quand je suis embarrassé, j'ai toujours un truc. Ouais. Hein. C'est celui qui pose une question, disait Freud, a une idée de la réponse. Donc je suppose que vous avez une idée de la réponse. De me poser la question. Vous en parlez un petit peu dans vos livres, alors peut-être que... Bon, le premier point, je crois que vous êtes d'accord avec moi, vous citez Foucault, vous citez Weber, c'est qu'on arrête ces trucs épouvantables qui s'appellent l'évaluation. C'est quand même des trucs qui nous prennent pour des couillons, ça. Enfin, franchement, l'évaluation, ça commence, si vous voulez, avec le fœtus, ça se termine en soins palliatifs, et tout le reste du temps, on est en évaluation. Or, c'est quoi l'évaluation aujourd'hui ? C'est pas du tout une façon de valoriser ce qu'on fait. Pas du tout une façon de donner de la valeur à ce qu'on produit. L'évaluation aujourd'hui, c'est une façon de vous dire, regarde le chiffre, regarde le compteur, tu regardes plus la route. Donc du coup, d'ailleurs, tu vas dans le décor, c'est un autre problème. Ouais. C'est ça, l'évaluation. C'est une façon de faire croire que les indicateurs quantitatifs de performance sont objectifs. Ils n'ont jamais été objectifs. Je vous donne un exemple, un simple exemple, très concret, mais comme vous avez beaucoup travaillé, je préférerais que ce soit vous qui parliez que moi, mais enfin, c'est un autre problème. Bon. Il va de soi que si vous prenez les conseillers de Pôle emploi, ils vont être évalués. Ils vont être évalués sur quoi ? Ils vont être évalués sur leur capacité à réinsérer les demandeurs d'emploi. D'accord ? Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ben, ils vont mettre le paquet sur les dossiers où, effectivement, ils ont des chances de permettre la réinsertion de demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'on se trouve dans un truc complètement aberrant, complètement antidémocratique, qui est que, finalement, ils s'occuperont moins de ceux qui n'ont aucune chance de trouver un emploi. Ce qui est aberrant par rapport à leur mission. Vous voyez ? C'est la même chose au niveau des profs. au niveau des profs, vous le savez bien, au niveau des profs, ce qui va compter, c'est le pourcentage de réussite à l'examen. C'est plus du tout de transmettre un savoir. Au niveau de la recherche, ça je ne vous en parle pas, c'est horrible au niveau de la recherche. Les impact factors, les facteurs H, les facteurs M, tout ce truc absolument monstrueux, c'est quoi? Ce qui compte, ce n'est pas de faire de la recherche. Ce qui compte, c'est d'avoir des publications qualifiantes dans des revues à fort impact factor. Bon, rien que ça, c'est fini. De toute façon, la recherche, on n'en fait plus depuis bien longtemps. Tu as beaucoup de chances d'avoir encore un peu quelques résultats, mais c'est un autre problème. Tout le long, on est dans une logique purement quantitative. Et on perd, du coup... Vous voyez, je crois qu'il y a quelque chose de monstrueux. On parle du bonheur, on parle du désir, n'est-ce pas ? On parle du vivre ensemble. C'est quoi les... On va quand même presque terminer, si je veux dire, la soirée. Le bonheur, c'est le partage du sensible. C'est quelque chose... Partage du sensible, c'est aussi la définition que Rancière donne, d'ailleurs, de la démocratie. C'est quelque chose de cet ordre-là. Vous imaginez un bonheur solitaire, un bonheur de masturbateur, si je veux dire. Bon, c'est-à-dire, c'est le bonheur capitaliste. Parce que si on prend, par exemple, c'est ce qui s'annonçait... Allez, je vous lis la citation de Tocqueville, ça vaut le coup. C'est ce qui s'est annoncé au milieu du XIXe siècle, lorsque de Tocqueville parle de la démocratie en Amérique et qui anticipe, bien évidemment, mais ça, ce n'est pas des étudiants de sciences politiques que je vais apprendre ça, qui anticipe ce que va devenir l'américanisation de notre style de vie. Il dit quoi? On parle du bonheur. Les hommes des temps démocratiques ont besoin d'être libres afin de se procurer plus aisément des jouissances matérielles après lesquelles ils soupirent sans cesse. Lorsque le goût des jouissances matérielles se développe chez un de ces peuples plus rapidement que les lumières et que les habitudes de la liberté, il y a un moment où les hommes sont emportés, comme hors d'eux-mêmes à la vue de ces biens nouveaux qu'ils sont prêts à saisir. Préoccupés du seul soin de faire fortune, ils n'aperçoivent plus le lien étroit qui unit la fortune particulière de chacun d'eux à la prospérité de tous. L'exercice de leur devoir politique leur paraît en contretemps fâcheux qui les distrait de leur industrie. Ces gens-là croient suivre la doctrine de l'intérêt, mais ils ne s'en font qu'une idée grossière, et pour mieux veiller à ce qu'ils nomment leurs affaires, ils négligent la principale qui est de rester maître d'eux-mêmes. Est-ce que, vous voyez, par rapport à la question du bonheur, puisque c'est quand même un peu là-dessus que vous me titillez, n'est-ce pas, est-ce qu'on peut être un esclave heureux? Après tout, un esclave bien traité, bien nourri, hein, qui peut avoir beaucoup de femmes, etc. Bon, est-ce qu'il peut être heureux s'il n'a pas la liberté, s'il n'a pas la possibilité de se conduire lui-même? Alors, ce qu'apprend la psychanalyse, c'est que même s'il a la liberté de se conduire lui-même, il peut de toute façon s'aliéner de telle façon qu'il n'arrive pas à être libre. Mais ça, c'est un autre problème. Je vais reprendre quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que nous étions maintenant prisonniers de l'argent. C'est une personne de l'extrait que nous avons vu tout à l'heure qui dit que c'est l'argent qui lui manque à elle pour accéder au bonheur. Ça paraît contradictoire avec le fait que nous soyons prisonniers de l'argent. N'est-il pas certainement vrai en fait qu'une certaine aisance matérielle permettrait d'être libre, d'être épanoui, d'avoir plus de possibilités, plus d'opportunités, d'être heureux? Et jusqu'à quel point cette richesse, cette accumulation de richesses serait-elle source de bonheur? Et quand deviendrait-elle inévitablement une source de malheur pour l'individu qui s'enrichit et pour le collectif? Alors là aussi, vos questions sont très difficiles parce que vous avez beaucoup travaillé et donc dans chaque question, il y a au moins une dizaine de questions et je ne sais pas trop par quel bout, bien sûr, les attraper. Bon, le premier point, c'est que, si vous voulez, c'est pas simplement la question de l'argent qui est une question d'aliénation, pour aller très vite. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes, c'est ce que j'essayais de montrer, dans un mode de pensée qui a tendance à financiariser l'ensemble des activités. C'est pas pareil. Et de l'argent, pour faire très vite et très simple, il en faut quand même pour vivre. Et il en faut pour bien vivre. C'est une chose évidente. Mais, si vous voulez, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que, c'est ce que j'essaie de dire maladroitement sûrement tout à l'heure, n'est-ce pas, faire de la recherche, être un bon chercheur, on va vous dire combien tu as d'articles publiés cette année. Être un bon enseignant, combien tu as de pourcentage d'élèves admis au baccalauréat. Bon. Pour être un bon responsable culturel, combien il y a eu de personnes aujourd'hui dans la salle? Pour être un bon journaliste, combien il y a eu d'émissions podcastées, etc. Combien de lecteurs? On est dans le combien, c'est-à-dire on est dans le quantitatif. Donc le problème, si vous voulez, il est là. Ce n'est pas le problème de l'argent. C'est qu'en gros, on n'arrive pas à penser la valeur dans notre monde autrement que sur un mode quantitatif dont on pourrait dire l'étalon et la monnaie. C'est ça le problème, vous voyez ? Alors après, je crois que c'est un autre problème qui rejoint des questions qui ont été aussi posées tout à l'heure. C'est-à-dire que, si vous voulez, il ne s'agit pas de dire... C'est pour ça que je citais Aragon. C'est-à-dire que Aragon dit bien on est prisonnier de l'argent que l'on a, comme de celui qui manque. Alors, le problème, c'est trouver, si j'ose dire, si vous voulez, un juste milieu et qui arrive aujourd'hui à poser, si vous voulez, la question, je dirais, des inégalités de revenus, des inégalités, si vous voulez, de salaires, non seulement entre les pays, non seulement entre les pays, mais à l'intérieur des pays. Et ça, c'est un problème extrêmement important. C'est un problème qui surgit, si vous voulez, à la fin du XIXe siècle, et que l'on voit aujourd'hui s'inscrire de manière très vive et violente. C'est le problème suivant, c'est que la production de richesses collectives ne permet pas pour autant la réduction des inégalités, mais au contraire a tendance à la croître. Prenez par exemple la mondialisation, pour aller très vite. La mondialisation, ce n'est pas simplement d'avoir permis de donner du travail à des gens qui n'en avaient pas, ou permis à certains de gagner un petit peu d'argent parce que vraiment ils crevaient la misère, même en diminuant, je dirais, le revenu d'autres pays plus avancés. Ce n'est pas ça le problème. Le problème de la mondialisation, c'est l'accroissement des inégalités de revenus à l'intérieur de chaque pays. C'est ça le problème majeur. C'est-à-dire que ça permet à la fois, si vous voulez, une homogénéisation, bien sûr, des cultures, mais une fragmentation considérable. C'est ça le problème. Alors, il y a un moment où on peut se demander, est-ce que c'est décent de gagner 100 fois plus que quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est décent, comme c'est annoncé ces derniers jours, comme vous savez, que... Je sais combien, 1% 1% des plus riches possèdent plus de la moitié des ressources du monde. Le problème, il est là. Vous voyez ? Alors, est-ce qu'on peut être heureux ? Bon, apparemment, certains ne se remportent pas plus mal, c'est notre problème. Hein. Mais je crois que ça pose quand même une autre question, et après, je vais être moins bavard, parce que vous avez beaucoup travaillé, et je ne voudrais pas... Bon. Mais quand même, si vous voulez, c'est une question qui est posée très vite quand on aborde la question du bonheur. C'est est-ce qu'on peut être heureux sans avoir la liberté et la dignité humaine ? C'est ça. C'est-à-dire, finalement, la reconnaissance par l'autre. Vous voyez ? Je vous renvoie la question. Est-ce qu'on peut aujourd'hui être heureux en étant pauvre ? Alors, d'abord, ça dépend ce que vous entendez par heureux, puis ça dépend ce que vous entendez par pauvre. Donc, je ne sais pas trop. Et puis, je ne vois pas comment je me permettrais de répondre à votre question. Je ne suis pas en situation de pauvreté, pour dire la chose très simplement et très bêtement. Donc, je ne peux pas répondre à votre question. Mais on peut la renverser. Je pense qu'on peut être riche et malheureux. Ouais, certainement. Ça, c'est plus facile pour moi. C'est presque ce qui nourrit, d'une certaine manière, mon fonds de commerce. Mais justement, je vous provoque. Hein. Vous avez raison. Justement, je voulais revenir sur cette notion de quantitatif. Et vous parliez aussi du rapport à l'autre et d'une perte du vivre ensemble. Donc du coup, est-ce que vous parliez tout à l'heure de journalisme, et donc finalement vous dites dans votre ouvrage qu'on est plus dans une valeur d'information que de parole et de partage. Donc, et vous prenez la transmission du savoir. Donc est-ce que finalement ce serait une solution pour retrouver un bonheur de vivre ensemble dans notre société actuelle ? Vous avez serré de près mes textes là. Oui. C'est l'opposition que je fais entre information et récit et parole. On est aujourd'hui dans une société de l'information. Vous voyez bien, hein, vous ouvrez la télé, vous avez une sommation cumulative d'informations, ça arrive comme ça. Alors en principe, vous passez au moins 20 minutes sur la météo, après 3 minutes sur les problèmes politiques, 30 secondes sur, sur l'essentiel, ce qui se passe au Moyen-Orient et ailleurs. Bon. Vous avez plein d'informations que vous n'avez quasiment pas le temps de digérer, de métaboliser. Vous ne pouvez pas en faire des pensées, c'est pas vrai. Chaque information chasse, si vous voulez, celle qui l'a précédée. La valeur d'une information, disait Walter Benjamin, le philosophe, la valeur d'une information, c'est le moment où elle émerge, c'est-à-dire le moment où elle est nouvelle. Ce qui veut dire, si vous voulez, que l'information, il en faut en permanence. Et on voit bien comment les médias, effectivement, se postent de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on doit produire, n'est-ce pas, on doit produire sans arrêt des nouvelles nouvelles. Et à la limite, peu importe l'intérêt, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la météo, d'ailleurs, s'il y en a de problème. Bon. C'est très différent de l'espace de la parole. C'est très différent de l'espace du récit. Là encore, je réfère à Benjamin, bien sûr, dans son article « Le conteur, le narrateur » de 1936. Il dit « Aujourd'hui, nous ne savons plus raconter des histoires. » Il n'y a que vraiment les artistes, les saltimbanques, comme dit mon ami Richard Martin, le directeur du Tursky, qui sont capables de raconter des histoires, de transmettre une expérience. Et Benjamin dit « Mais pourquoi est-ce que nous avons perdu cette faculté qui nous paraissait inaliénable ?» Et Benjamin de répondre « Parce que le cours de l'expérience a chuté et qu'il sombre indéfiniment. » Or, qu'est-ce que c'est que le bonheur de transmettre ? Si ce n'est celui d'abord d'éprouver, donc une expérience, et pas sûr qu'on vous laisse le temps d'éprouver. Vous êtes sous pression, vous travaillez à flux tendu, hein, de manière de plus en plus efficace et de moins en moins cher. C'est le principe. C'est-à-dire de plus en plus, on vous demande de vous identifier à une machine performante. C'est monstrueux. Bon, nous vivons dans un univers monstrueux, il faut le savoir. Bon. Eh bien, c'est donc d'avoir le temps d'expérience et le temps d'en parler, c'est-à-dire de la transmettre. On ne vous laisse pas le temps. Parfois, il m'arrive de passer un peu dans les médias, on vous dit, alors en 8 minutes, là, vous avez 8 minutes, qu'est-ce que vous avez dit, là, que vous travaillez depuis 30 ans ? 8 minutes. Alors au début, ben, je me faisais piéger. Après, les journalistes, mes copains, m'ont un peu appris. Ils m'ont dit, non, tu dis un verbe, un sujet, un complément, pas plus. Et tu répètes trois fois, de manière différente, tu répètes trois fois. Bon, ça passe mieux. C'est ça, la société de l'information. C'est ça, la société de l'information. Vous voyez ? Alors, effectivement, ce que l'on perd, c'est la capacité de transmettre l'expérience. C'est déjà le temps d'avoir cette expérience. Et si nous perdons la capacité de transmettre l'expérience, ça veut dire que nous mettons nos enfants, nous les mettons face à quelque chose de très traumatique, qui est de rencontrer le monde, l'autre et eux-mêmes, sans expérience et sans parole pour dire cette expérience. Quand Benjamin parle justement de la perte de cette faculté de raconter une histoire, il le dit, il le lit plutôt par rapport à la monstruosité qu'a pu constituer la Première Guerre mondiale, où il dit les soldats sont revenus du front, et ils ne pouvaient pas en parler. C'est-à-dire qu'ils avaient vécu des événements, ces événements les avaient mutilés, traumatisés, amputés. On peut même écrire des millions de pages sur la Première Guerre mondiale. Mais jamais, jamais, on ne pourra transmettre l'expérience de ce qui a été vécu parce que la culture n'avait pas préparé à vivre cela. Ni l'inflation, ni la trahison des gouvernants, ni la bataille de matériel. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on a reçu un événement sans avoir, si vous voulez, la culture et les mots qui pourraient permettre d'éprouver et de dire cet événement. Donc ça s'appelle, en psychanalyse, ça s'appelle le trauma, ça s'appelle le traumatisme. C'est-à-dire qu'on a vécu des événements qu'on n'a pas pu élaborer comme expérience et transmettre à d'autres. Vous le savez, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, etc., ont pu constituer également, bien sûr, des expériences traumatiques parce que, comme disait René Char, n'est-ce pas, nous avons reçu notre héritage sans testament. C'est-à-dire qu'en gros, la culture ne nous avait pas préparé à vivre ces événements. Et on peut dire qu'aujourd'hui, bon, je ne vais pas continuer, mais aujourd'hui, nous avons des éléments comme ça où la culture ne nous a pas préparé aux événements qui ont émergé, qui ont surgi. C'est là où vous avez véritablement, si vous voulez, traumatisme. Alors, après ces événements, on peut donner plein d'informations, mais on ne peut pas en parler vraiment. On ne peut pas l'éprouver, on ne peut pas transmettre. Et c'est là, je crois, où nous perdons aussi quelque chose qui est non seulement du côté du bonheur singulier, mais qui est aussi du côté, si vous voulez, du bonheur de vivre ensemble. c'est-à-dire du bonheur démocratique, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais je sais que vous avez serré mes textes, donc vous allez sûrement me le dire, n'est-ce pas ? Et il va de soi que, si vous voulez, la liberté, comme disait Hannah Arendt, requiert la présence d'autrui, c'est-à-dire le fait d'être reconnu par l'autre. C'est d'ailleurs pour ça, dit aussi Hannah Arendt, que le tyran n'est pas libre. Il n'est pas libre parce qu'il n'a pas d'ego. Enfin, il a un ego au niveau du moi, mais il n'a pas d'ego de semblable dont il attend la reconnaissance. Et donc, il ne peut pas être libre. Et donc, d'une certaine manière, il ne peut pas être heureux. Je vais faire une transition du domaine du médiatique, de la parole, de la mémoire, vers le domaine politique. Alors, monsieur Goury, il est indéniable que l'appel des appels, dont vous êtes à l'origine, a une vocation politique. Par ailleurs, vous êtes intervenu à un meeting de Jean-Luc Mélenchon à Paris en 2012. Vous êtes signataire d'un appel des intellectuels français à voter pour François Hollande au second tour des présidentielles de 2012. Votre œuvre est indéniablement empreinte d'une critique envers notre modèle économique et social, inspirée par le néolibéralisme. Vous êtes donc engagé politiquement. Pensez-vous, en tant que, quelque sorte, homme de gauche, que notre société aujourd'hui aurait besoin d'un État plus fort, plus redistributif, plus interventionniste dans les domaines dont l'appel des appels parle, c'est-à-dire la santé, la justice, l'éducation, la culture. Moi, je ne suis pas enseignant de sciences politiques. le premier point, l'appel des appels, est-ce que c'est un mouvement politique ? Alors, je pense que, non, là où vous avez parfaitement raison, c'est un mouvement, un collectif qui se constitue à un moment donné, c'est 2008, nous sommes à l'ère sarkozyste, si vous voulez, pour aller vite, qui, lui, a au moins l'obscénité, je dirais, de croire dans le néolibéralisme. Il ne s'en cache pas. Il dit, il n'y a pas de performance sans évaluation. Enfin, il le décrit tout ça, n'est-ce pas ? Et finalement, il annonce les valeurs. Hein, il annonce les valeurs du néolibéralisme, les valeurs de cette pensée des affaires, etc. Bon. Et il met en place des dispositifs. Mais rassurez-vous, il n'est pas le seul. Ça a été fait avant, et malheureusement, ça a été fait aussi après. Mais c'est notre problème. Il met en place des dispositifs de normalisation des professions qui, jusque-là, avaient été relativement intactes, indemnes, je dirais, de cette manière de penser leur métier. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez, que ce soit dans le domaine de la police, de la justice, de l'enseignement, du soin, du culturel, etc., se mettent en place des dispositifs qui visent à considérer que le métier est comparable à un service commercial rendu, et que, à partir de ce moment-là, ben, les fonctionnaires des espaces publics, les fonctionnaires du bien public, ben, ne sont rien d'autre que des prestataires de services commerciaux, et on doit d'ailleurs les récompenser eu égard aux productions de services qu'ils rendent. Et ça, ça diffuse beaucoup. Et à partir de ce moment-là, il y a ce qu'une amie journaliste appelle, Sophie Peters, de La Tribune, appelle des chagrins d'honneur. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a, chez ces universitaires, chez ces médecins, chez ces journalistes, chez ces magistrats, etc., il y a le sentiment de ne plus pouvoir exercer leur métier tel qu'ils l'ont appris, et tel que finalement les institutions pour lesquelles ils travaillent, n'est-ce pas, le reconnaissent, par exemple soigner tout bêtement à l'hôpital, enseigner, ou bien faire de la recherche, etc., ou juger pour magistrat et autres, pas du tout. Ce qui compte, c'est non pas de faire son boulot, mais c'est de répondre, encore une fois, à des normes quantitatives, à des indicateurs, et donc il y a substitution, si vous voulez, de situations concrètes, comme par exemple la maladie, comme par exemple un savoir à transmettre, comme par exemple une information à donner, en lieu et place, vous avez quelque chose de tout à fait abstrait, de tout à fait virtuel et quantitatif. C'est un score à atteindre. C'est un score à atteindre. C'est-à-dire que vous devez atteindre ce score pour être bon. C'est-à-dire que c'est ça, vous voyez, la question de l'argent. Ce n'est pas du tout la question de l'argent au sens du fric. C'est un mode de pensée qui vise à la financiarisation des activités professionnelles. Et je crois qu'il y a, à ce moment-là, je dirais, un conflit de loyauté chez un certain nombre de professionnels entre, d'une part, pour faire très vite, l'éthique de leur métier, c'est-à-dire finalement les règles qu'ils se donnent parce qu'on les leur a apprises pour exercer leur profession, et puis, je dirais, une espèce de morale, de logique gestionnaire, c'est-à-dire de critères standardisés, de scores à atteindre, pour faire très vite, mais ben, je vais en parler beaucoup mieux que moi à propos de l'hôpital, n'est-ce pas ? Il va de soi, par exemple, que la T2A, la tarification de l'activité, ça veut dire que la qualité de soins n'est pas fonction de son adéquation au problème médical à traiter, mais on va dire que l'évaluation du soin se fera en fonction de l'argent que l'acte fait rentrer pour le pôle médico-chirurgical. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez très bien vous trouver dans une logique de conflit de loyauté où, n'est-ce pas, vous allez prendre des décisions qui ne sont pas liées à la situation professionnelle donnée, n'est-ce pas, aux patients à traiter, mais vous allez prendre des décisions en fonction des critères de gestion de ce que cela rapporte. Je vous rappelle, puisque c'est en sciences politiques, que, n'est-ce pas, il y a des hôpitaux avec un logiciel d'optimalisation des actes de soins. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire du tout, n'est-ce pas, comme vous le savez, qu'on va optimaliser le soin apporté aux patients. Ça veut dire qu'on apprend aux médecins à surfacturer leurs actes pour pouvoir faire rentrer de l'argent au pôle médico-chirurgical. Ça n'est ni honnête sur un plan de la collectivité, puisque c'est quand même la collectivité qui paye, ni éthique sur un plan professionnel. Donc l'appel des appels, c'est ça. C'est à un moment donné, il dit non, ça suffit. Moi, à un moment donné, je refuse. Je suis expert pendant 7 ans au ministère de la Recherche. Je suis au Conseil national des universités élu pendant 15 ans. J'en ai été vice-président et président. Puis un beau jour, je dis non, ça suffit. Je ne fais plus d'expertise. Parce qu'il y a quelque chose qui est humiliant, stigmatisant et aberrant, même pour évaluer le travail que nous faisons. Donc, si vous voulez, c'est ça l'appel des appels. C'est de dire non, on veut bien être évalué. On veut bien rendre des comptes. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme vous savez, pour les fonctionnaires. Mais pas de cette manière-là. Parce que cette manière-là, elle vise à initier un mode de pensée. Elle ne vise pas du tout à rendre des comptes sur la réalité du métier que l'on fait. Alors, après, vous dites « je suis un homme politique ». Non, moi, je ne suis pas un homme politique. Je suis un vieil universitaire, n'est-ce pas, qui finalement découvre en fin de course la dimension politique de son métier, ce qui n'est pas pareil. La dimension politique de son métier. On n'est pas dans la même société selon la conception que l'on a du soin, de l'enseignement, de la recherche, si vous voulez, de l'information, de la justice. C'est ça. Alors après, il y a des engagements. Bon, ces engagements, ce n'est pas un engagement, une conviction, une foi délirante. C'est pas ça. Il faut faire des choix. Je l'ai fait. Il faut s'engager. Je m'engage. Si vous me demandez où je me situe, vous dites que je suis à gauche. Bon, je suis très heureux d'apprendre, Victor, que je suis à gauche. Mais, j'ai toujours été plutôt ectopique, un peu marginal sur les bords. Bon, il va de soi que face à, je dirais, vous parliez de l'élection présidentielle, face à quelqu'un comme Sarkozy, mais Sarkozy, encore une fois, il ne faut pas en faire un monstre, ce n'est pas ça le problème. Ou alors au sens étymologique, c'est-à-dire qu'il montre effectivement ce que sont les valeurs du néolibéralisme. Malheureusement, je vais vous faire de la peine peut-être, mais malheureusement, on n'a pas changé de logiciel. On n'a pas changé de logiciel. Et c'est ça le problème. Vous voyez, je ne regrette pas d'avoir appelé à voter François Hollande au deuxième tour, mais je regrette que ce gouvernement demeure technocratique, au sens très fort du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez, il continue à penser en termes de logiciel. Bon, il a pu se montrer plus juste, plus digne dans d'autres occasions, et on en est heureux. Mais par rapport à votre question, et après j'arrête, en fait, nous sommes face à une crise de l'autorité. Alors, je ne suis pas sûr que c'est avec plus d'États. Parce que plus d'États, on a vu ce que ça a donné au XXe siècle. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit avec plus d'États. Mais on est face à une crise d'autorité. Et je pense que les dispositifs de normalisation qui nous amènent à nous soumettre avec notre consentement, n'est-ce pas, ces dispositifs-là, ils viennent, si vous voulez, comme bouche-trou dans cette crise d'autorité. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, on ne sort pas de cette logique. Alors, vous avez un peu ôté les mots de la bouche quant à votre constatation sur les actions du gouvernement actuel. C'est-à-dire que les actions du gouvernement de François Hollande depuis son élection ne sont pas assez dans le sens de ce que vous vouliez. Je me suis exprimé. Ce que vous attendiez. Je me suis exprimé dans Marianne il y a 18 mois à peu près. Donc oui, j'ai été rapidement déçu. Ce qui m'a déçu, c'est bien évidemment, si vous voulez, qu'on n'a pas, on n'a pas tellement changé de vision du monde. Alors. On est entre nous là, on est dans l'intimité quasiment. Bon, on dit par exemple, on va renégocier le traité européen. C'est une promesse. Bon, une promesse, bien sûr, ça n'engage que ceux qui y croient. Moi, je veux bien. Mais pour un psychanalyste, une promesse, c'est quand même du côté de l'engagement dans sa parole. C'est-à-dire quelque chose quand même d'extrêmement, voyez, important, puisque. Tenir sa promesse, c'est être en consistance avec soi-même. Peut-être ça aussi, le bonheur. C'est la définition de Camus, hein, par rapport au bonheur. C'est être en accord, c'est avoir une vie qui est en accord avec soi-même. Bon, François Hollande décide de ne pas renégocier le traité européen. Bon, mais pourquoi pas? Mais il aurait dû s'en expliquer. Il aurait dû lancer des espaces citoyens de débat, dire, bah, écoutez les enfants, désolé, mais la situation est complètement pourrie, les caisses sont vides, je suis sous pression, etc. Donc je suis obligé de, et alors on va en parler, bon, est-ce que vous voyez une solution? C'est-à-dire, vous voyez, je crois qu'il faut remettre la démocratie, vous voyez, dans les espaces publics. Jaurès disait, vous savez que je cite beaucoup Jaurès, parce qu'on avait beaucoup lu, et je vous en remercie d'ailleurs, j'espère que ça n'a pas été trop pénible pour vous, n'est-ce pas ? Mais Jaurès disait, il ne faut pas que la démocratie s'arrête aux portes de l'usine. Hein ? Très beau texte de Jaurès là-dessus, en disant, vous avez donné la liberté politique, suffrage universel, etc., il s'adresse aux radicaux, et aux socialistes, républicains et autres, et il leur dit, vous avez donné, par le suffrage universel, n'est-ce pas, une liberté politique, poursuivez votre boulot, allez jusqu'au bout. Et ça veut dire qu'il ne faut pas que cette liberté politique s'arrête aux portes des usines. On vous dirait aujourd'hui aux portes des laboratoires, ou aux portes des amphithéâtres, etc. C'est-à-dire que, si vous voulez, on ne pourra pas tout faire, mais au moins qu'on puisse participer aux décisions qui nous concernent. Or, le bonheur, si vous le mettez en consubstantialité avec la liberté, c'est un peu ce que j'essaie de dire, voyez, le bonheur implique que je sois participant aux décisions qui me concernent. Vous savez bien, puisque vous êtes étudiant en sciences politiques, que c'est l'opposition que fait Benjamin Constant entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. La liberté des modernes, c'est celle de Tocqueville que j'ai raconté tout à l'heure. C'est une jouissance du copropriétaire, pour aller vite. Il suffit de voir la copropriété pour se dire dans quel état. Bon, c'est notre problème. Bon, et la liberté, au sens ancien du terme, c'est quoi? C'est pas du tout une liberté de jouissance. La liberté, c'est la liberté politique de participer aux décisions de la cité. Et l'invention de la démocratie. Quand Claude Defort parle de l'invention de la démocratie, l'invention de la démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée que la décision qui va être prise pour la cité, pour tel ou tel problème, cette décision, la vérité, la justice, n'est pas inscrite dans la tradition, n'est pas inscrite dans la tête des ancêtres, n'est pas inscrite dans les textes religieux. Cette bonne décision, c'est celle qui va se situer en aval du débat démocratique. C'est-à-dire que nous allons ensemble l'inventer. Et à partir de ce moment-là, ce qui est assez extraordinaire, c'est que même ceux qui étaient en désaccord sur telle ou telle mesure s'approprient cette décision. Ça devient la décision de tous. La liberté, elle est là. Quand Socrate, n'est-ce pas, est condamné à mort à boire la ciguë, comme vous savez, que ses copains lui disent, mais enfin, les juges sont complètement cons, ce qui est tout à fait juste, n'est-ce pas? Bon, tire-toi, on va t'aider, pars. Il dit non, parce que si je partais, si je fuyais, mes enfants seraient orphelins. Alors, les philosophes sont arrachés les cheveux là-dessus. Comment se fait-il que... Est-ce que ces enfants vont pas être orphelins? Bon, non, mais c'est très clair chez Socrate. Mes enfants vont être orphelins, ça veut dire que je vais les désaffilier de la cité. Je vais les sortir d'une filiation. Puisque je ne vais pas respecter des lois pour lesquelles j'ai voté, même si ces lois conduisent à des mesures idiotes, injustes, etc. Vous voyez, ce que je reproche, c'est ça. Moi, j'avais dit... Alors, vous parlez... parliez de mon intervention chez Mélenchon, en fait, c'était pas chez Mélenchon, mais c'est un autre problème, c'était chez Pierre Laurent. Enfin, mon intervention, je leur avais dit, à propos de la VIe République, n'est-ce pas, je leur avais dit, mais la VIe République, c'est pas simplement dans les institutions. Si vous changez le personnel politique, ça ne changera pas grand-chose. Ce sera peut-être plus sympathique, n'est-ce pas, mais ça changera. Non, c'est pas du tout. C'est sur les scènes professionnelles, sur les scènes du quotidien. C'est là où, véritablement, il faut une VIe République. C'est à ce niveau-là. Ce qui veut dire, si vous voulez, participer aux décisions. On sait bien qu'on ne peut pas tout. On sait bien que les budgets, par exemple, si vous prenez un laboratoire, un hôpital, n'est-ce pas, ou une maison de la culture, ou si vous prenez le MUSEMEL, les budgets ne sont pas extensibles à l'infini. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va faire avec? Ça, c'est ça, du côté de l'artisanat, du côté de l'art, du côté, n'est-ce pas, du côté des mains du potier, comme disait Benjamin. C'est-à-dire que les décisions qu'on va prendre, elles ne sont pas standardisées, elles vont porter la trace des doigts qui les ont fabriquées. Et c'est simplement ça que je réclame. Alors je ne suis pas sûr de l'avoir aujourd'hui avec le gouvernement que nous avons, même s'il m'est beaucoup plus sympathique que le précédent, vous l'avez compris, vous l'avez dit. D'accord, merci beaucoup. Je passe la parole à Manon. Alors, on va continuer avec un peu d'actualité pour vous faire réagir sur certains thèmes. Donc, je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, dans sa lettre à Ménécée, Épicure énumère 4 règles qui permettraient d'atteindre le bonheur. Épicure énumère 4 règles qui permettraient d'atteindre le bonheur. Et aujourd'hui, c'est vrai que le phénomène des coachs de vie, ces professionnels qui nous permettent d'atteindre nos objectifs et nos idéaux rencontrent un énorme succès. Finalement, pensez-vous qu'on peut être plus heureux en suivant des règles, des lignes de conduite que des personnes extérieures nous dictent et nous proposent? Je suis sûr et certain que vous avez une idée de la réponse que je vais donner. Vous vous souvenez de ce que disait Prévert? J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il faisait en partant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de manuels. N'oublie pas d'être heureux. Les 50 manières d'être heureux, etc. Bon. Vous pouvez toujours essayer l'exercice, hein, je ne vous garantis pas. Il va de soi, si vous voulez, qu'on est face à une rhétorique du bonheur. On est face à un fantôme de bonheur, puisque je pense qu'il ne peut pas y avoir, je vais être très long là-dessus, vous savez, vous connaissez ma réponse, il ne peut pas y avoir de mode d'emploi du bonheur. Non seulement il ne peut pas y avoir de mode d'emploi standardisé, parce que je ne suis pas sûr que ce qui peut me rendre heureux, ça va être ce qui rend heureux Victor, ou vous, etc. Donc chacun a sa manière d'être heureux, bien sûr, mais en plus, je trouve qu'il y a véritablement une escroquerie à, si vous voulez, vendre, je dirais, les manières d'être heureux. Voilà. Et je crois que ça fait partie, justement, de la dégradation qui s'est opérée, si vous voulez, depuis la fin du XVIIIe siècle. Si vous vous souvenez de cette phrase de Saint-Just, « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Quand Saint-Just, 1794, déclare « Le bonheur est une idée neuve en Europe », c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, avec les révolutions américaines et françaises, n'est-ce pas, le sort de chacun ne dépend plus de la providence. Le sort de chacun n'a pas été établi par Dieu. C'est à chacun d'être responsable de son sort. Et donc, son bonheur dépend de lui, avec les autres. Avec les autres. L'idée de Saint-Just, on retrouve aussi chez Robespierre, même si c'est l'homme de la terreur, n'est-ce pas, il y a un grand discours de Robespierre sur le bonheur, mais c'est cette idée, n'est-ce pas, que le bonheur est indissociable d'autrui. Vous le prenez également dans les textes préliminaires de la Déclaration d'indépendance américaine, n'est-ce pas, c'est cette idée que le gouvernement a pour légitimité la capacité de permettre au peuple d'être heureux. C'est un bonheur public, c'est un bonheur commun. Et ce qui est très intéressant, et après j'arrête, je vous promets, ce qui est très intéressant, c'est que ce droit au bonheur, et je vous précise quand même que, aussi bien dans la Déclaration de l'homme, le droit de l'homme et du citoyen, que dans la Déclaration d'indépendance américaine, n'est-ce pas, le droit au bonheur est un droit inaliénable c'est-à-dire au même rang que le droit à la liberté ou le droit à la vie, un droit inaliénable. Et si un gouvernement ne rend pas son peuple heureux, on peut le disqualifier. Bon, oui, ce serait très risqué en ce moment, mais ça n'a pas de problème. Bon. Et puis, progressivement, c'est pour ça que je vous ai lu ce petit passage avec de Tocqueville, progressivement, c'est le côté commun, le côté public qui chute. C'est-à-dire qu'on a droit à un bonheur, mais à un bonheur privé. Et au fur et à mesure, je dirais, des siècles, je vais passer très vite, au fur et à mesure, l'idée d'un bonheur public qui n'est rien d'autre que la liberté politique. Ne vous trompez pas. Si vous prenez ces textes, c'est très net. C'est, en gros, la liberté de participer à la construction de conditions de ma vie qui puissent me rendre heureux avec les autres. Ce n'est pas du tout ce qui est devenu le bonheur. Je vous en parlerai après, mais il y a un très beau texte de Lévi-Strauss là-dessus. Ça, vous n'avez pas pu le lire parce qu'il n'est pas, dans les textes. Il s'appelle « La technique du bonheur », qui est un très, très beau texte. Où, justement, on voit bien comment, si vous voulez, on est passé d'une conception du bonheur commun, du bonheur public, du bonheur de trouver ensemble, n'est-ce pas, des conditions qui permettent d'être heureux, pour aller très vite, à quelque chose qui est un droit au bonheur limité au privé, limité à l'individu. On est dans l'individualisme de masse. C'est ça, notre société. Merci. Alors, peut-être une dernière question. Votre plus récent ouvrage, donc « Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ?», fait tristement écho aux événements récents, avec les attentats de Charlie Hebdo et la situation actuelle. On aimerait vous demander si finalement, aujourd'hui, il faut renoncer à la liberté d'expression pour être heureux, ou plus largement, à quel prix est selon vous la liberté aujourd'hui ? C'est très difficile. C'est très compliqué. Je ne suis pas sûr, en étant un tant soit peu honnête, de pouvoir répondre à votre question. Je ne crois pas qu'il s'agisse de bonheur. La question, si vous voulez, que nous rencontrons aujourd'hui est celle véritablement d'une dislocation des sociétés, des civilisations. C'est-à-dire que même si nos démocraties aujourd'hui sont ce que j'appelle parfois des formes dégénérées de démocratie, c'est-à-dire des démocraties d'expertise et d'opinion, pour aller très vite, nos démocraties sont défiées, c'est un peu ce que j'essaie de dire tout à l'heure, et le risque majeur que nous avons, et qui n'est pas du côté du bonheur, qui est du côté de la sécurité, la forme, si vous voulez, rétrécie du bonheur, c'est que nous avons besoin de conditions, de vie garantissant la sécurité. J'étais ce matin à l'UNESCO, où je faisais la conférence d'introduction, je les ai plaqués pour venir vous voir, après, au niveau du débat. Il y avait déjà une drôle d'ambiance au moment du contrôle, etc., et les gens évoquaient, voyez, ces problèmes de sécurité. Et alors là, il y a un problème majeur, parce que c'est comme la question de l'argent dont vous parliez tout à l'heure. Si on n'a pas un minimum de sécurité, on peut pas être rassuré sur son existence. C'est-à-dire que si le monde devient, si vous voulez, un monde qui me rend méfiant, qui me rend soupçonneux, un monde de danger, je ne peux pas me laisser aller, que ça soit psychanalyse, ou que ce soit dans la relation amoureuse, ou que ce soit dans la relation sociale, voire dans une relation de prestation oratoire comme celle à laquelle vous m'invitez ce soir, s'il n'y a pas des conditions minimales de sécurité, je ne peux pas me laisser aller à penser, et je crois que c'est ça qui a d'ailleurs été atteint par les attentats monstrueux, c'est justement la capacité de penser, si vous voulez. Et c'est à ça que les gens aussi réagissent, n'est-ce pas ? Et en même temps, le danger, pour ça que je ne peux pas vous répondre si je suis, encore une fois, un tant soit peu honnête, le danger, c'est que, bien sûr, si vous voulez, la sécurité justifie la mise en place de mesures d'exception qui aboutissent à intégrer le non-droit dans le droit. Vieux problème traité, comme vous le savez, n'est-ce pas, par Judge Arnoben, notamment sur l'état d'exception, etc. C'est-à-dire qu'en gros, au nom, on voit bien aujourd'hui, au nom de la sécurité, comment refuser des écoutes téléphoniques sans autorisation du juge ? Comment refuser certaines fouilles sans autorisation du juge, etc. Mais en même temps, si ces mesures sont pérennisées, alors ça veut dire que il y a un certain nombre d'actes qui peuvent être accomplis en dehors même des dispositifs juridiques qui autorisent, qui valident leur légitimité. Et là, on s'inscrit dans quelque chose qu'on a connu. Il ne faut pas oublier que Hitler et les nazis n'ont pas eu besoin de modifier les lois. Ils les ont trouvées, la République de Wehrmacht avait déjà promulgué des lois qui permettaient l'état d'exception. Et là, c'est difficile. Parce que moi, je ne peux pas vous répondre. En étant, si vous voulez, le plus honnête possible, je ne peux pas vous répondre. Parce que j'ai besoin, pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour vous tous, de conditions de sécurité qui permettent la vie, qui permettent la pensée, qui permettent l'amour, qui permettent l'échange. Voyez. Et en même temps, je ne peux pas... C'est pour ça qu'on n'est plus du côté du bonheur. En même temps, je ne peux pas renoncer à garantir les libertés publiques qui sont garanties par le droit. Et là, c'est presque à vous. Moi, j'ai envie de vous dire, vous, qui êtes étudiant de Sciences Po, comment vous réagissez par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Bon, ce qui s'est produit en janvier est abominable. Ce qui s'est produit en janvier atteste, si vous voulez, de ce que j'ai essayé de balbutier tout doucement, tout à l'heure, en pointillé, mais vous l'avez compris. C'est-à-dire que le problème, il n'est pas religieux. Le problème, il est politique. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous avons une violence, si vous voulez, qui, au nom de religion, au nom de tout ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec la religion, nous avons une violence qui est celle qui a aussi été fabriquée par le néolibéralisme, celle qui a aussi été fabriquée par la mondialisation, c'est-à-dire la dislocation et l'affrontement de modes de société extrêmement différents, pour certaines traditionnelles, pour d'autres modernes et pour d'autres postmodernes. Et le problème, il est là. Et que, étant donné la géopolitique aujourd'hui, il est plus possible, je dirais, de localiser cet affrontement. Alors, là, on voit bien comment nos démocraties, vos démocraties aussi, j'aimerais bien vous entendre, justement, tous les quatre là-dessus, vous m'avez suffisamment cuisiné, non? Bon, j'aimerais bien vous entendre. Comment vous vous débrouillez avec ça? C'est-à-dire que je suppose que, comme moi, vous avez besoin de sécurité pour penser, parce qu'on le voit bien, un enfant qui n'est pas... Un enfant qui est agité, qui n'est pas dans la sécurité, il ne peut pas penser. Alors après, on va dire, c'est ses vulnérabilités neurogénétiques, c'est son amygdale, etc., à penser. Simplement que la société, l'environnement, la famille ne lui permet pas aussi de trouver sa place, de trouver un lieu d'apaisement où il puisse penser. Vous voyez ? Donc ce besoin de sécurité, nous l'avons tous. Et en même temps, si nous prenons des mesures qui peuvent s'imposer transitoirement, allez, je vous donne mon point de vue. Bon, si nous les prenons en les pérennisant, alors nous instituons et nous pérennisons quelque chose qui est l'empiètement du non-droit sur le droit. Et là, encore une fois, on a déjà donné. C'était Roland Gori, à la recherche du bonheur perdu, une conversation enregistrée le 29 janvier 2015 dans le cadre du cycle de conférences Le bonheur, quel bonheur, qui a eu lieu au MUCEM, auditorium Germaine Tillon, du 21 janvier au 6 février 2015. Une conversation avec Roland Gori menée par Victor Rongier, Lucie Guillemot, Marine Purson et Manon Guérin, étudiants à Sciences Po Aix.